Fioretti, ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen-Âge, traduite pour la première fois par M. Labériche. Chapitre 35. Comment Sainte Claire, pendant qu'elle était malade, fut miraculeusement transportée, la nuit de la Nativité de Notre Seigneur, dans l'église de saint François, où elle assista à l'office. Depuis quelque temps, Sainte Claire était attaquée d'une grave maladie, qui la mettait dans l'impossibilité de se rendre à l'église pour y réciter l'office avec ses sœurs. La nuit de la Nativité de Notre Seigneur, au moment où elles allaient à matine, elle se vit encore, malgré le vif désir qu'elle avait de les suivre, obligée de rester au lit, privée de la consolation spirituelle qu'elles allaient recevoir. Mais Jésus-Christ, son époux, ne pouvant souffrir de la voir ainsi triste et abandonnée, la transporta miraculeusement à l'église de saint François, où elle assista à tout l'office de matine et à la messe de la nuit. Bien plus, il lui procura le bonheur de recevoir la sainte communion, et elle fut ensuite de nouveau transportée sur son lit. Lorsque l'office fut terminé à l'église de saint Damien, les sœurs revinrent trouver sainte Claire et lui dirent, « Ô notre mère, sœur Claire, quelle consolation nous avons goûtée dans cette sainte fête de la Nativité. A plus à Dieu que nous eussions pu vous y voir parmi nous. Ô mes sœurs et mes très chères filles, répondit la sainte, grâce et louange soient rendues à notre Seigneur Jésus-Christ, car, moi aussi, j'ai assisté avec une grande consolation d'esprit à toute la solennité de cette très sainte nuit, et même à une solennité bien plus magnifique encore que celle où vous vous êtes trouvés. Par les mérites de saint François et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai été transporté dans l'église de mon vénérable Père, et là, en corps et en âme, j'ai entendu tout l'office et le son des instruments, et même j'ai reçu la très sainte communion. Réjouissez-vous donc de la grâce insigne qui m'a été accordée, et remerciez-en le Seigneur. Chapitre 36. Comment saint François expliqua à frère Léon une magnifique vision que ce frère avait eue. Pendant que saint François était malade, un jour que frère Léon, qui le servait, était en prière près de lui, il fut soudainement ravi en extase et conduit en esprit sur le bord d'un fleuve immense, large et impétueux. Des hommes le traversaient, et il remarquait parmi eux un grand nombre de frères. Les uns s'avançaient chargés d'un pesant fardeau, et bientôt, renversés par le courant, ils disparaissaient sous les eaux. D'autres parvenaient au tiers, à la moitié et même jusque près de la rive opposée du fleuve, puis, entraînés par les flots, ils finissaient aussi par succomber sous le poids de leur fardeau. À cette vue, frère Léon se sentait touché de compassion pour les infortunés qu'il voyait périr si misérablement. Mais voici que tout à coup il voit apparaître une multitude d'autres frères, sans fardeau, débarrassés de tout et resplendissant de la sainte pauvreté. Ils entrèrent dans le fleuve et le traversèrent sans danger. Alors frère Léon revint à lui. Saint François, connaissant intérieurement ce qu'il venait d'éprouver, l'appela et lui demanda ce qu'il avait vu, et quand le frère lui eut tout raconté, cette vision, lui dit-il, a sa réalité. Le grand fleuve, c'est le monde. Les frères qui s'y engloutissaient sont ceux qui n'ont pas suivi la profession évangélique qu'ils avaient embrassée, et qui surtout n'ont pas observé la très sainte et très sublime pauvreté. Ceux, au contraire, qui traversaient sans danger, sont les frères qui n'ont possédé ici-bas ni les biens terrestres, ni les satisfactions de la chair, toujours contents du strict nécessaire pour la nourriture et le vêtement. Ils ont suivi Jésus-Christ dépouillé sur la croix, et porté avec bonheur son joug suave, joyeux de pratiquer la très sainte obéissance. Voilà pourquoi ils ont quitté, sans regret, cette vie mortelle pour passer à la gloire qui ne finira jamais. Chapitre 37. Comment le Christ béni convertit, par l'intercession de Saint François, un riche et noble chevalier qui s'était montré pour lui plein de prévenance et de libéralité, et comment ensuite il lui inspira le dessein d'entrer dans l'ordre des frères mineurs. Le serviteur du Christ, Saint François, s'étant présenté un soir, très tard, avec son compagnon, chez un gentilhomme riche et puissant, les deux frères furent reçus, comme des anges de Dieu, avec une aimable politesse et un grand respect. Le gentilhomme embrassa tendrement le saint, lui lava, essuya et baisa les pieds, et, après avoir allumé un grand feu, il fit garnir abondamment sa table et servit lui-même ses convives avec joie. Lorsqu'ils eurent terminé leur repas, « Mon père, dit-il à Saint François, je suis à votre service, moi et tout ce qui m'appartient, quand vous aurez besoin de tuniques, de manteaux ou de toute autre chose, achetez en toute liberté, je me charge du paiement. Vous le voyez, je suis disposé à pourvoir à vos besoins, et je le puis, grâce à Dieu, car les biens de la terre m'ont été accordés en abondance. Pour l'amour de celui de qui je les tiens, je veux en faire part à ces pauvres. » Le saint fut très sensible à la politesse, à la bonté et aux offres généreuses du chevalier, dès lors, il conçut pour lui une tendre affection, et après l'avoir quitté, il disait à son compagnon, « En vérité, ce gentilhomme serait un parfait religieux dans notre ordre, lui qui est si dévoué, si reconnaissant envers Dieu, si charitable et si libéral à l'égard du prochain et surtout des pauvres, car, sachez-le bien, ô mon très cher frère, la libéralité est un des attributs de Dieu, c'est par elle qu'il fait luire son soleil sur les pécheurs comme sur les justes, et qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est cette libéralité qui est la sœur de la charité, c'est elle, enfin, qui est un lien et qui entretient l'amitié. J'ai reconnu dans notre excellent hôte une vertu si divine, que je serais heureux de le recevoir pour compagnon. Je veux bientôt revenir le trouver, peut-être Dieu daignera-t-il toucher son cœur et lui inspirer le désir de s'unir à nous pour entrer à son divin service. En attendant, nous le prierons de produire ce désir en lui et de lui donner la grâce de le mettre à exécution. Aux merveilles, à quelques jours de là, lorsque Saint François eut prié dans cette intention, Dieu produisit dans l'âme du gentilhomme le dessein de renoncer au monde. « Mon frère, dit alors le saint à son compagnon, allons retrouver notre bon chevalier, car, j'en ai la ferme espérance, sa générosité ne se bornera plus maintenant à nous offrir libéralement tous ses biens. Il va se donner lui-même et devenir un des nôtres. » Et lorsqu'il fut arrivé près de la maison du gentilhomme, « Attendez un peu, dit-il, je veux, avant d'entrer, demander à Dieu le succès de la démarche que nous faisons, je veux prier Jésus-Christ, par la vertu de sa très sainte passion, de daigner nous accorder, à nous qui sommes pauvres et misérables, la noble proie que nous espérons arracher au monde. » Ayant dit ces mots, il se mit en prière dans un endroit où le gentilhomme pouvait facilement l'apercevoir. Celui-ci, par un dessein de la bonté divine, venant à jeter les yeux de ce côté, remarqua bientôt le saint homme, il le vit priant avec ferveur aux pieds de Jésus-Christ, qui daignait alors lui apparaître et se tenir devant lui, et, en ce moment, Il était élevé corporellement au-dessus de terre. À cette vue, le chevalier se sentit vivement touché de Dieu et pressé du désir de renoncer au monde, il sort aussitôt de son palais, court, plein de ferveur vers le saint, qui était encore en prière, se jette à ses pieds et le prie instamment de le recevoir au nombre de ses frères, pour faire pénitence avec eux. Voyant alors que Dieu avait exaucé sa prière, et que le chevalier lui demandait ce qu'il avait lui-même si vivement souhaité, saint François se lève plein de joie, embrasse avec tendresse son nouveau compagnon, et remercie Dieu d'avoir donné à son ordre un si noble chevalier. Le gentilhomme lui dit, « Père, que faut-il que je fasse maintenant? Me voici disposé à suivre vos conseils, à donner aux pauvres ce que je possède, à me débarrasser de toutes les sollicitudes des choses de la terre, et à marcher avec vous à la suite de Jésus-Christ. » Saint François lui prescrivit en effet ce renoncement à ses biens, et le chevalier, après en avoir distribué tout le prix aux pauvres, entra dans l'ordre, qu'il ne cessa d'édifier par ses pénitences, la sainteté de sa vie et ses pieux entretiens. Chapitre 38. Comment saint François connut intérieurement que frère Élie était damné et qu'il devait mourir hors de l'ordre. Comment ensuite, à la demande de ce frère, il consentit à faire pour lui une prière que Jésus-Christ exauça. Saint François se trouvant en la compagnie de frère Élie, dans un des couvents de son ordre, il lui fut révélé que ce frère était damné et qu'il mourait hors de la religion. Dès lors il ressentit pour lui une telle antipathie qu'il ne pouvait plus lui parler, et, quand il le voyait se diriger vers lui, il se retirait aussitôt pour l'éviter. Frère Élie ne tarda pas à s'en apercevoir, il comprit qu'il y avait en lui quelque chose qui déplaisait au saint. Voulant donc connaître la cause de ce changement, il alla un jour le trouver, et voyant qu'il cherchait encore à s'esquiver, il le retint de force et le conjura de lui dire pourquoi il évitait ainsi de se rencontrer avec lui et de lui parler. « La raison, répondit saint François, c'est que Dieu m'a révélé, qu'en punition de vos péchés, vous deviez renoncer à vos vœux, mourir hors de l'ordre, et même que vous étiez damné. » Frère Élie lui dit, « Mon Père, pour l'amour de Jésus-Christ, je vous en prie, que ce ne soit pas un motif de m'éviter et de me bannir de votre présence, mais plutôt, comme un bon pasteur, et à l'exemple du Christ, cherchez et recevez la brebis qui périt, si vous ne lui venez en aide, priez Dieu qu'il veuille bien, s'il se peut, révoquer la sentence de ma condamnation, car il est écrit que le Seigneur s'est changé son arrêt, si le pécheur veut se corriger de ses fautes. D'ailleurs, j'ai en vos prières une si ferme confiance, qu'alors même que je serai au milieu des enfers, je croirai recevoir de l'adoucissement dans mes peines, si je savais que vous priez pour moi. Encore une fois, je vous en conjure, tout pécheur que je suis, recommandez-moi à ce Dieu qui est venu pour sauver les coupables, et priez-le de me recevoir en sa miséricorde. » Et en disant ces mots, le frère versait un torrent de larmes. Touché de compassion, saint François, comme un bon père, lui promit de prier pour lui, et au moment où il était en prière, Dieu lui fit connaître que sa demande était exaucée, que la sentence de damnation portée contre frère Élie était révoquée et que son âme échapperait au tourment de l'enfer, mais que certainement il renoncerait à la profession religieuse et qu'il mourrait hors de l'ordre. Cette prédiction fut réalisée. Frédéric, roi de Sicile, s'étant révolté contre l'Église, le pape le frappa d'excommunication, lui et tous ceux qui l'aidaient de leur conseil. En cette circonstance, le prince rebelle fit appeler près de lui frère Élie, qui passait pour un des hommes les plus éclairés de son temps, et ce frère ayant consenti à renoncer à ses vœux pour aller prendre part à la rébellion, le pape l'excommunia lui-même et lui fit déposer l'habit de saint François. Note. Le roi de Sicile, dont il est ici parlé, et Frédéric II, et le pape qui l'excommunia, ainsi que frère Élie, et Grégoire IX. L'excommunication fut fulminée en 1239 contre le frère, et il n'en fut relevé qu'en 1253 par Innocent IV, successeur de Grégoire. Fin de la note. Frère Élie était sous le poids de cette excommunication, quand il fut atteint d'une grave maladie. Informé de sa situation, un de ses frères, frère Laïco, qui était demeuré dans l'ordre, où il vivait en bon et fervent religieux, alla le visiter et lui dit, « Ô mon bien-aimé frère, c'est avec le plus amer regret que je te vois ainsi mourir hors de l'ordre, si tu voyais encore quelques moyens d'échapper à un si grand malheur, je serais bien heureux de faire tous mes efforts pour te le procurer. » « Mon frère, répondit le malade, je ne vois pas d'autre moyen que d'aller trouver le pape et de le prier, pour l'amour de Dieu et de saint François, son serviteur, sur les avis duquel j'ai renoncé au monde, de m'absoudre de l'excommunication, et de me rendre l'habit de l'ordre. » Frère Laïco lui promit de faire tout ce qui dépendrait de lui dans l'intérêt de son salut, partit aussitôt à pied et alla prier humblement le Saint-Père de faire grâce à frère Élie, pour l'amour de Dieu et en considération de saint François, son serviteur. Le pontife lui accorda sa demande, et il revint aussitôt plein de joie vers frère Élie. Le malade était près d'expirer lorsqu'il arriva, mais il eut encore le temps de l'absoudre de l'excommunication et de lui rendre l'habit de saint François. Et c'est ainsi que frère Élie mourut, et que son âme fut sauvée par l'intercession du saint, dans les mérites duquel il avait eu une si grande confiance. Markendan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bray 1859 Hébray et Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.